Est-il sympathique? C'est Alexandre Dumas. Ainsi se termine cette première nuit, Alexandre Dumas, au cours de laquelle nous avons pu entendre des conférences d'André Mauroy, une de Louis Jouvet, et puis Anthony, et puis Keane, avec Pierre Brasseur et Maria Cazares, et des anecdotes sur Dumas et Talma, et Ascanio, et à l'instant, là, cette vie conjugale d'Alexandre Dumas, ça vous... Vous rigoliez un petit peu, Frédéric Lurol. Ah oui, j'ai trouvé ça très amusant. Je ne connaissais pas du tout cet épisode-là. Et j'avoue que j'ai trouvé ça très drôle. Il faut dire que le ton du speaker, c'est pas lui qui a écrit le texte. Moi, j'ai pas trouvé qui avait écrit ce texte. Mais enfin, c'est peut-être pris dans les mémoires de quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, oui, certainement. Qui sait, de Roger de Beauvoir, d'ailleurs. Voilà. Alors, donc, je rappelle, Frédéric Lurol, que vous êtes la directrice du château de Monte-Cristo, dont vous êtes venu nous parler en tout début de nuit, et vous nous avez donné très envie d'y retourner ou de le découvrir pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce lieu qui est à combien de kilomètres de Paris? À 20 kilomètres. À 20 kilomètres. Donc, on peut dire qu'on prend le même train, la même ligne de chemin de fer que prenaient Dumas et ses amis. Elle est un peu prolongée maintenant jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Oui, on peut prendre le RER A jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, puis prendre un bus qui va à Marly-le-Roi. Ou alors, on peut prendre le Transilien depuis la gare Saint-Lazare et arriver à Marly-le-Roi et prendre un autre bus. Voilà, mais c'est très rapide, ça je peux en témoigner. Et donc, on revisite ou on visite ce lieu étonnant dans lequel, hélas, le pauvre Alexandre Dumas pas vécu énormément, mais après tout, c'est ça, c'est le talent, c'est de marquer un lieu sans y avoir habité très longtemps. Tout à fait. Et vraiment, il a mis sa marque. Toute son âme est là. Toute son âme est là. Alors vous adorez ce lieu. Je disais en début de nuit que vous le hantiez. Est-ce vrai? Vous y passez vos journées et vos nuits? J'y passe mes journées, non pas mes nuits quand même. Ah oui. Mes journées, oui. Et vous lisez parfois Dumas, vous relisez, hein, vous découvrez. Ah oui, oui, oui, oui. Tous les ans, j'en redécouvre un autre. Vous n'êtes pas obligé statutairement d'être là pas à l'entrée et de dire comme ça, attention, la directrice est en train de relire telle œuvre. Non, non, pas du tout. Bon, eh bien, vous serez à l'écoute de la prochaine nuit, de la deuxième nuit Alexandre Dumas, de toute manière, car elle sera aussi très riche. On recevra Sarah Monbert et Claude Chopp, deux Dumasiens quand même célèbres, enfin très, très connus, qui aiment beaucoup... Je crois que Claude Chopp aime énormément Dumas. Ah oui, mais c'est le spécialiste en France d'Alexandre Dumas. Voilà, ce serait difficile de ne pas parler de Dumas sans avoir la voix de Claude Chopp. Mais on entendra aussi des conférences sur la Tour de Nesle, un conte de Monte-Cristo mis en scène au Festival de Provins, c'était en 1965, avec Jean-Claude Drouot, qui était le Thierry Lafronde de la télévision. Et puis d'autres conférences sur les Trois Mousquetaires, un livre des voix sur Alexandre Dumas en Russie, le Caucase et voyage aussi en Afrique du Nord, dont vous parliez, sur 20 ans après, et on terminera par les Trois Mousquetaires, des versions assez cocasses, une version en tout cas dans laquelle l'homme de main, vous savez, contre lequel se bat ou avec qui se dispute D'Artagnan qui vient de sa province, est interprété par un comédien qui allait devenir 10 ans après très très très très célèbre, mais je ne vous dis pas qui. Vous écouterez, c'est le suspense. Vous écouterez Frédéric Lurol. Donc, eh bien, merci. Toutes ces émissions sont à réécouter en ligne, à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr à la rubrique des nuits de France Culture. Donc, rendez-vous au château de Monte-Cristo et rendez-vous la semaine prochaine pour écouter d'autres émissions et d'autres dramatiques d'après le cher Alexandre Dumas. Philippe Garbi, Thibaut Nassimbem, Hassan Mbéchour, Virginie Mourté. Très bonne journée à toutes et à tous.